Le dirigeant suprême Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec le personnel qui a contribué à la réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Il a été accompagné de Lee Man-gon et de Lee Byung-chul. À son arrivée, tout le personnel l'a acclamé avec enthousiasme. Kim Jong-un a complimenté de nouveau les hauts faits des scientifiques, techniciens, ouvriers et cadres du domaine des sciences militaires qui ont manifesté dans le monde entier la dignité souveraine de la Corée du Tse et l'esprit indomptable du peuple coréen héroïque et défendu le prestige absolu du Parti du Travail de Corée. Ensuite, il a exprimé son attente et sa conviction qu'ils développeront et perfectionneront beaucoup plus et plus vite, à un niveau plus élevé, les armements stratégiques originaux les plus puissants, pour ainsi remplir leur mission glorieuse de premier porte-drapeau et avant-garde de la réalisation des desseins stratégiques du parti en matière d'édification d'une puissance nucléaire stratégique, et s'est fait photographier en souvenir avec eux.